إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد aujourd'hui on est au cours numéro 8 du livre de Kitab al-Tawhid et le sujet donc on continue toujours d'expliquer al-wasay al-ashra dans l'aya, dans Surat Al-An'am, verset 151, et on a expliqué certaines des règles qui sont dans ces versets-là, les trois versets de Surat Al-An'am, et là on avait parlé la semaine passée de Al-Yatama, les orphelins. Maintenant, on va parler aujourd'hui d'un autre sujet, c'est-à-dire une autre partie dans le verset 152, c'est « وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ » وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie et donner la bonne mesure et le bon poids, hein, de donner la bonne mesure et de donner le poids, le bon poids en toute justice, بالقسط, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il dit le Cheikh maintenant, Cheikh Saleh al-Fawzan, au sujet de cette partie du verset? Il dit « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ هَذَا مِنَ الْوَصَايَا الْرَبَّانِيَّةِ لِلْإِنسَانَ الَّذِي يَبِيعُ عَلَى النَّاسِ السِّلَعْ بِالْوَزْنِ أَوْ الْكَيْلَ أو بالكيل أو بالأكياس أو بالصناديق يجب عليه أن لا يبخسها بل يوفيها بالمكيال والميزان والمكيال للحبوب مثلا والأشياء التي تكال والميزان للأشياء المائعة التي توزن والمعيار الشرعي هو المكيال والميزان okay. Donc qu'est-ce qu'il explique ici le Cheikh, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit وَأَوْفُ بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ donner la bonne mesure et le bon poids hein, pour les choses, et bien ça fait partie du testament ou des règles, des commandements qu'il nous a donnés et qu'il nous demande de respecter et de suivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain, quand il vend des choses, et bien il doit les vendre selon une mesure et des poids bien déterminés pour être juste avec les gens, pour pas leur donner moins et pour pas non plus perdre lui aussi en donnant trop également. Donc il doit être juste et donner les choses et vendre les choses selon un poids et selon une mesure bien déterminée. Soit qu'il les vend avec al-kayl, al-wazn c'est le poids, al-kayl c'est une mesure prédéterminée. Et al-akiyas, c'est-à-dire quand tu vends des choses par sac, hein, tu vends des choses par sac, ou bien par boîte. Des fois, il y a des fruits ou des légumes ou des trucs qui sont vendus par sac ou par boîte, hein, et par le poids également. Donc, ça dépend des marchandises. Donc, ça veut dire qu'il faut respecter et donner à chaque chose la bonne mesure. Wal-mikyal lil-hubub. Al-mikyal, comme par exemple, on a dans les mesures qu'on a dans l'islam, comme par exemple as-sa' ou al-mud, hein, c'est des formes de mesures. Salam alaikum. c'est, on va dire, un contenant qui est mesuré, dont le volume est mesuré à l'avance, et on doit encore, on va dire par exemple qu'on veut prendre une certaine quantité de grains, ou de riz, ou de céréales, ou des trucs comme ça, on utilise ce truc-là pour savoir exactement quelle quantité de céréales ou de grains on donne à la personne. On appelle ça al-mikyal. Et aussi, on utilise la balance pour des trucs qui sont liquides et qu'on peut comme calculer par exemple en le mettant sur une balance ou sur quelque chose pour peser le poids d'une chose. Et donc ça, c'est les moyens légaux que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné pour déterminer les quantités et les mesures qu'on fait dans la vente. Également, des fois, il y a par le temps aussi des choses qu'on calcule par le temps. Comme par exemple, il y a des gens qui travaillent à l'heure ou qui travaillent à la minute, sont payés à la minute ou des choses comme ça. Hein, comme par exemple, juste pour vous donner un exemple, dans les taxis par exemple, il y a un appareil, un compteur qui calcule à la minute, hein, ou à la seconde, selon un tarif prédéterminé, d'accord. Donc, c'est très important que le compteur soit bien réglé pour pas qu'il aille trop vite, parce que s'il va trop vite, plus vite que le temps permis, eh ben la personne va charger au client une somme ou une valeur qui est plus grande que la valeur réelle. Donc c'est comme si la personne, le chauffeur de taxi qui aurait un meter ou un compteur trop rapide, il vole l'argent déjà de cette façon. Ou bien un autre qui aurait un compteur qui est trop lent, donc il perd lui de son côté. Donc ça, c'est, on voit, c'est dans les mesures, dans tous ces aspects là hein. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a des contrôleurs, peu importe le domaine de l'activité, que ce soit dans le commerce ou dans les autres aspects, même dans les taxis, comme on a donné l'exemple, il y a des contrôleurs, des inspecteurs qui vont faire régulièrement des vérifications pour savoir est-ce que tous les balances ou les trucs sont bien balancés selon les quantités et les poids reconnu, officiel. Hein. Par exemple, quelqu'un, il vend des fruits ou des légumes au kilo ou à la livre et tout, mais s'il n'a pas bien balancé avec la bonne valeur d'un kilo, c'est sûr qu'il fait perdre au client de l'argent. Hein. Si par exemple son kilo n'est pas ajusté, donc il fait peut-être qu'il a mis une quantité plus ou un poids moins que 1 kilo, et puis il fait charger au client un prix pour 1 kilo. En réalité, ils achètent pour moins que ce qu'ils payent. Ils ont moins de marchandises pour le poids qu'ils ont dépensé, ou pour la valeur d'argent qu'ils ont payé. Donc ça, c'est des formes de vol dans l'islam, c'est des formes de tricherie qui sont complètement et strictement interdites. Hein, tu dois donner à chaque personne le poids selon la quantité qui a été établie et pas tromper les gens de cette façon-là. Donc le cheikh dit وقد يكون المكيال أيضا من بالكيس كأن يباع بالكيس أو بالصندوق أو بالصندوق مثلا أو بالعلبة هذا كله يدخل في الكيل والميزان فلا يجوز للإنسان أن ينقص هذه الأشياء ويبيعها على أنها وافية وقد بخسها وأخذ منها كما يفعل بعض الخونة الذين يبيعون على الناس الأشياء على أنها تامة وهي مبخوصة نعم أو يبيع الأشياء والخضار على الناس على أنها سليم على أنه سليم ويجعل علو الشيء الطيب ولكن أسفله معيب أو تالف هذا من البخس أيضا ولا تبخسوا الناس أشياءهم وأهلك الله أمة من الأمم بسبب البخس وهم قوم شعيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالسوق وجد بائع طعام فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه في الطعام فوجد في أسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أصابه المطر قال ألا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le chef il dit que il y a différents moyens de peser et de prendre la mesure des choses. Hein, que ça peut être par sac, ça peut être les choses qui sont vendues par boîte ou par contenant ou des récipients, des trucs comme ça. Et tout ça, ça rentre dans la balance et dans le poids, les choses qu'on pèse et les choses qu'on mesure par une quantité prédéterminée. Et c'est pas permis pour un être humain ou pour une personne de tromper les gens dans ces choses-là en leur donnant moins. Donc on vend une marchandise, comme un sac ou une boîte ou quelque chose, et on dit à la personne, oui, tout, c'est complet, il y a tout dedans, alors qu'en réalité, il manque quelque chose dans la marchandise ou dans la quantité. Et donc ça, ça fait partie de tromper et de tricher les gens, de trahir les gens. Et le cheikh dit qu'il y a des gens qui sont de cette catégorie-là, qui sont des khawana, c'est-à-dire des traîtres. Hein. Ils vendent aux gens des choses. Il leur fait croire que ce sont des choses qui sont bien, qui sont complètes, alors qu'en réalité, elles sont, il y a quelque chose qui manque dans la quantité. Et par exemple, il y a des gens qui vendent des fruits hein, ou des légumes, hein, et ils font croire aux gens que ce sont des bons fruits, hein, des bons légumes, alors qu'en réalité, ils sont pas frais ou ils sont pas bons. Hein. Par exemple, il y en a qu'est-ce qu'ils font, comme le chef il donne des exemples, ils mettent les bonnes choses au-dessus, les bons fruits, les bons légumes au-dessus, et en dessous, ils cachent les mauvais, hein, et donc les gens quand ils achètent la marchandise, les fruits ou les légumes, ils s'imaginent que, wa alaykoum salam, ils s'imaginent qu'ils achètent des bons légumes, des bons fruits qui sont frais, alors qu'en réalité, en dessous, il y a des pourritures ou il y a des choses qui ne sont pas bonnes et ils les cachent volontairement pour tromper les gens. Donc ça, ça fait partie des formes de choses qui sont complètement haram. Et ça fait partie de ce qu'on appelle al-bakhs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire ça, c'est-à-dire de tromper les gens et de voler les gens de cette façon-là en les trompant dans les calculs, dans la balance, etc. Et il y a un des peuples que Allah a détruit à cause de ça, comme le peuple de Shu'aib, hein, le peuple de Shu'aib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est passé dans un souk, dans un marché, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu un des marchands qui vendait une marchandise, il a mis son doigt à l'intérieur de la nourriture pour voir, hein, c'était comme des grains ou des céréales ou quelque chose, ou du blé ou quelque chose comme ça. Il a rentré son doigt dans le sac pour voir, et à l'intérieur c'était mouillé, en dessous c'était trempe, c'était mouillé, c'était humide, c'était pas sèche comme sur le dessus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au vendeur, lui a dit pourquoi je vois que au dessus c'est bien puis en dessous c'est mouillé, pourquoi t'as pas mis le dessus comme sur le dessus, ce qui est en dessous également, comme si pourquoi t'as caché qu'est-ce qui est en dessous par quelque chose d'autre. Et l'homme a répondu, il a dit, ya Rasulallah, il y a eu de la pluie, et quand il y a eu de la pluie, c'est tombé dans la marchandise, donc il a recouvert par une autre chose qui était sèche, pour faire croire que tout ce qui était au fond c'était pareil. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, dans des cas comme ça, qui est en dessous, tu dois le mettre au-dessus, la même chose que, ça veut dire, tu dois pas cacher qu'est-ce qui est pas bon par qu'est-ce qui est bon, tu dois le laisser pour que les gens sachent qu'est-ce qu'ils vont acheter, pour pas qu'ils soient trompés. Et il a dit, man rachana falaysa minna. Man rachana falaysa minna. Celui qui nous trompe, il n'est pas l'un des nôtres. Celui qui nous trompe ou qui nous trahit, il n'est pas l'un des nôtres. Il nous triche, il veut nous tricher. Hein, il veut tricher avec nous, il veut mentir, il veut tromper. Il te vend une voiture, il te cache les défauts dans la voiture. Hein, pourquoi? Parce qu'il veut que tu l'achètes. Puis une fois que tu l'as acheté, tu découvres qu'il a caché beaucoup de défauts dans la voiture, alors qu'il le savait, il le savait. Donc ça c'est, ça fait partie de Al-Rish. Il y a beaucoup de formes de Rish comme ça, ça c'est complètement haram. Un musulman n'a pas le droit de tromper et de tricher les autres. Non, non seulement les musulmans qu'on n'a pas le droit de tricher, mais même les non-musulmans n'ont pas le droit de tricher. Hein? Même les non-musulmans n'ont pas le droit de tricher. Parce qu'il y en a qui se disent, ah, c'est pas grave si c'est pas un musulman, on peut tromper. Hein? Il y a des gens comme ça, qui sont dans des, certains, hein? Ouais, mais c'est même des gens qui se disent être soumis ou quoi, il y a des gens, tu les vois, qui, par exemple, ils vont tromper les koufars, parce qu'ils se disent, ah, ce sont des koufars, alors ça ne dérange pas. Hein? Ou bien, dans certains pays, il y a des musulmans qui ont eu des trucs historiques avec certains peuples de koufars, et comme c'est pour se venger, hein, des fois ils disent, ah, eux, ils nous ont fait ça dans le passé, ils nous ont colonisé, ou ils nous ont fait ça, donc on a le droit aujourd'hui de leur remettre le mal qu'il nous a fait ou de nous venger, et donc pour nous venger on va tricher avec eux, et ça c'est haram, c'est ça, c'est les vices cachés, c'est pas parce que quelqu'un t'a triché ou a triché envers toi que toi t'as le droit de tricher envers lui, d'accord, tu dois être honnête et juste, et les musulmans dans le passé ils étaient connus pour leur honnêteté, leur franchise, hein, et le fait qu'ils étaient juste dans le commerce, ils étaient déjà honnêtes, ils ne trichaient pas, ils respectaient leurs ententes, ils respectaient leurs paroles, et c'est ça, c'est une des choses qui a fait en sorte que beaucoup de gens se sont convertis à l'islam à cause du comportement juste de l'honnêteté des musulmans et du respect qu'ils avaient pour leurs paroles, ça faisait, c'était devenu une de leurs caractéristiques par lesquels ils étaient reconnus partout. Quand on disait un musulman, c'est comme si on disait un homme honnête. Hein? Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein? Des fois, maintenant, les gens ont remplacé ça par le contraire, parfois. Dans certains endroits, on reconnaît les musulmans. Des fois, ils disent pas nécessairement les musulmans. Ils vont les associer à une certaine ethnie ou une origine, les Arabes, les Turcs, ou les trucs, ils vont les appeler comme ça. Ah, les Arabes sont comme ci, les Arabes sont comme ça. Ils ne veulent pas dire musulmans, ils vont dire, ils divisent les gens par nationalité. C'est sûr que, qu'est-ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'islam, s'ils volent ou ils trichent, ils font des choses comme ça. Mais, yani, s'ils sont musulmans, ils devraient donner l'exemple. D'accord? Donc, on a vu l'exemple, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sahabi. Ensuite, le cheikh il dit, il n'est pas permis à quelqu'un de cacher les affaires qui sont pas bonnes, hein, et de mettre au-dessus les bonnes choses, et de mettre les mauvaises en dessous. Il y a ça, tu trouves ça souvent dans les marchés, même ici à Montréal, subhanallah. Tu vas acheter des fruits et des légumes, sur le dessus tu vois que les fruits sont vraiment beaux et tout, alors que quand tu arrives chez toi, tu ouvres le paquet et tout, tu trouves qu'en dessous il n'y en a pas beaucoup de fruits qui sont vraiment bons, c'est juste ceux qui étaient au-dessus qui avaient une belle apparence. Hein. Donc d'être honnête envers les autres dans le commerce, c'est pas juste le but de faire du profit, de vendre et de faire du profit à tout prix, même si tu vas vendre aux gens des choses pas bonnes, juste pour te remplir les poches. Non, hein, quand tu vends des choses d'une certaine qualité, tu la vends au prix qui convient. Tu vends pas la chose de mauvaise qualité à un prix de la bonne qualité. Donc, il faut être honnête et juste dans tous les aspects. C'est pas juste le but de faire de l'argent rapide, comme les koufars, hein, ceux qui n'ont pas de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est ça. Il dit, يعني يجعل الأشياء النادرة في أعلاه ويقول للناس كله في هذا من هذا النوع هذا حرام ويجعله أحسنه أعلاه وأسوأه أسفله. هذا لا يجوز، هذا من بخس الناس أشياءهم، ومن النقص في الكيل والميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ يعني يحسبون أن المسألة انتهت لو أفلت من الخلق ومن رقابة البلدية أو من رقابة السلطان، فإنه لا يلفت من رقابة الله سبحانه وتعالى. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. الله سبحانه وتعالى إلى ذكره dans سورة المطففين de verset 1 jusqu'à verset 6 il y a une explication de ça. وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ، malheur à ceux qui trompent ou qui mentent ou qui sont malhonnêtes dans la balance. Oui, les fraudeurs, exactement, ceux qui fraudent les gens. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Si ils pèsent, si c'est pour eux, ils demandent plus, ils prennent plus. Mais si c'est contre eux, c'est-à-dire si c'est pour les autres, ils mettent moins. Ok ? Donc, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ne savent-ils pas, ceux-là, qu'ils seront ressuscités dans un grand jour, le jour où tous les hommes seront debout devant le Seigneur des mondes, le Seigneur des univers. Donc, le cheikh, il fait un commentaire sur ce verset-là, il dit, il y a beaucoup de gens qui pensent que, une fois qu'ils ont été sauvés dans cette vie, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas fait taper les doigts dans cette vie, parce qu'ils ont trompé, c'est-à-dire le ministère de l'inspection, les inspecteurs de la ville sont venus, ils ont vérifié, ah, ils n'ont pas trouvé rien, ou bien les responsables sont venus, ils ont vérifié tout, tout était correct. Donc ils se disent, ah, je peux continuer à frauder. Parce que je ne me suis pas fait prendre. Et il continue. Est-ce que ces gens-là, ils pensent pas que Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils se sont échappés d'une punition dans cette vie, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont être capables de s'échapper d'une punition au jugement dernier, le jour où ils vont être debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde? Hein? Tu peux échapper aux êtres humains, tu peux échapper aux créateurs. Mais tu peux pas échapper à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui il te voit et il sait tout ce que tu fais, hein. Donc tu peux pas te tromper. Il y en a par exemple aussi, ils vont faire de la corruption, hein, un rishwa. Ils vont voir les inspecteurs, ils vont leur dire, si vous faites semblant que vous n'avez pas vu, on va vous donner un peu d'argent, hein. On va vous graisser la patte, hein. On vous donne un petit argent, un petit peu d'argent en dessous de la table pour que vous restiez aveugle devant notre fraude. Comme ça, on va pas payer d'amende et vous faites un peu d'argent. Et puis comme ça, ça continue. Et ben quand ça continue comme ça, et ben la société, c'est la société en entier qui paye, parce que la fraude, elle devient générale par la suite. Et la malhonnêteté, la tricherie, la tromperie devient une caractéristique de tout le monde. Parce que tout le monde se dit, si les autres le font, eh ben moi j'ai pas le choix de le faire. Et il y a des endroits où les gens se disent comme ça, eh ben partout, tout fonctionne par la fraude, par la corruption, donc on n'a pas le choix, on est obligé de passer par cette méthode. Et ça, c'est haram. Ça fait partie des grands péchés, subhanallah. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ils demandent carrément le choix. Ouais. Non. Mais il y a des gens qui m'ont dit des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est comme s'ils croient que c'est devenu comme un dû. C'est comme, il faut le donner. Et il y a des gens qui m'ont dit, il y a des endroits, tu veux avoir un papier, tu veux avoir un passeport, tu veux avoir quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent les choses tellement difficiles pour... Ouais, c'est-à-dire, t'as le droit de l'avoir, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pas quelque chose qui devrait être un privilège, c'est quelque chose de normal. Tu veux un papier, alors tu prends un papier, mais le problème, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, il faut qu'ils donnent quelque chose. Bon français, en bon français. Ah d'accord, comme si tu parles pas, moi, tu parles pas le bon français là, hein. Et là tu donnes là, un peu d'argent là, là on parle la même langue, là on se comprend, hein, la langue de l'argent, le langage de l'argent. Non, ça c'est, ça quand on arrive à ce niveau là, ça veut dire on est arrivé à un niveau de bassesse, hein, et on a perdu notre moralité, hein, notre sens du respect, de la dignité. Comment ça? Dans des cas comme ça, si par exemple toi tu veux avoir quelque chose qui te revient et que quelqu'un t'oblige à donner une somme d'argent pour l'avoir, le péché c'est sur la personne qui le demande, mais sur, pas pour toi, parce que toi tu veux avoir quelque chose auquel tu as droit et c'est la seule façon que, par exemple, que tu pourrais l'avoir. Mais le péché, ça va à la personne qui prend l'argent, qui accepte l'argent. D'accord? Mais dans ton cas, toi, si toi tu cours pas après, c'est juste parce que tu veux avoir quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, ça, c'est ce que j'ai entendu dire de la part des ulama à ce sujet-là. Wallahu a'lam. Toutefois, c'est ça. Mais c'est le signe d'une société malade. C'est le signe d'une société malade. Ici aussi, il y a de la réchoua. Même en Europe, même ici, les gens, ils pensent que, ici, dans les pays occidentaux, il n'y a pas de corruption. Tout le monde est honnête. Mais, exactement. Ici, la différence entre réchoua qui se passe ici et réchoua qui se passe dans les pays musulmans, c'est que ici, les exemples de réchoua, c'est par des milliards de dollars. Hein, puis c'est fait à un niveau élevé. Et sophistiqué, d'une façon plus sophistiquée et vraiment bien cachée. Tandis que la richesse dans les pays musulmans, c'est au niveau le plus bas de la... Et c'est fait vraiment pour des sommes quand même pas si... ça touche pas aux millions. Donc, dans des cas comme ça, c'est-à-dire il y a des choses comme ça, c'est apparent. Tu le vois, c'est apparent. Tandis que ici, c'est caché, très très très bien caché. Parce que tout est supervisé, tout est contrôlé et tout. Mais malgré tout, il y a des formes de, hein, on a pas. Allahu alam s'il y en a moins. C'est parce que moi, je suis certain qu'il y en a autant, mais c'est bien caché. Ouais, le taxage, la loterie, l'alcool, hein, les casinos. Tout ça, c'est des formes de vol. Ouais, et ça c'est entre les mains du gouvernement, et c'est toutes des... Si vous regardez dans d'autres pays, c'est la mafia qui contrôle ces trucs-là. Les jeux d'hasard, les cigarettes, l'alcool, hein, les casinos, tout ça dans d'autres pays c'est la mafia, les crimes organisés qui, et la drogue, tout ça. Bon, la drogue n'est pas encore légalisée ici, mais c'est des crimes, des organisations de crimes qui contrôlent ces choses-là, ici c'est le gouvernement. Hein? Donc c'est juste pour dire, il y a d'autres façons de prendre l'argent des gens, d'une façon haram. Hein? Et les gens disent, ah mais non, c'est une société qui, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de tricherie, tout le monde est honnête, tout le monde sont juste et honnêtes. Mais ici tout le monde sait comment tricher les impôts, hein? Même les gens qui se disent, qui sont québécois de souche ou autre. Ils savent comment tricher les impôts, ils savent comment s'échapper des taxes et tout. Tout le monde fait ça. Hein? Ah oui. Avec le vendeur, Exactement. Tout le monde fait ça ici. C'est mondial, mais c'est à l'être humain en fait. C'est un problème humain. Parce que l'être humain est toujours tenté de sauver, de faire plus d'argent, d'avoir, d'accumuler plus de richesses et de s'épargner ou de se sauver d'en payer. Bon, on va revenir à ce point-là, mais la question c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, certains péchés, il a prescrit une punition spécifique, et ou bien il a mentionné un châtiment spécifique pour un péché particulier. Pour d'autres, il n'a rien spécifié, il a juste laissé la chose comme ça ouverte, en voulant dire comme si ça c'est haram, ne le faites pas. Il n'a pas dit, si vous faites ça, vous allez avoir ça, ou ça, ou ça, ou ça comme punition. Mais ça fait partie de ce qui est haram quand même. Et il faut s'en écarter parce que c'est sûr que tout ce qui est haram, il y a une punition. Et les punitions d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les péchés, ça peut être dans cette dunya maintenant, ça peut être dans l'akhira, ça peut être les deux. Et des fois les gens s'imaginent que s'ils ont aucun mal physique ou aucun mal économique dans leur vie, ils s'imaginent qu'ils n'ont pas de châtiment. Mais le châtiment d'Allah peut te venir de toutes sortes de façons, des façons que tu t'en aperçois même pas toi-même. Hein? Donc c'est pour cette raison-là, comme on a dit plusieurs fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « Afa aminu makra Allah » Est-ce que vous êtes senti en sécurité contre la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que vous croyez que vous êtes capable de faire des péchés et de désobéir à ses règles et à ses lois, et puis que vous allez vous échapper de ces punitions et de ces châtiments? Peut-être que en ce moment même, on est puni pour un de nos péchés d'une façon qu'on ne s'en aperçoit même pas, dans notre cœur, dans notre foi, dans notre raison, notre façon de voir la vie, notre façon de vivre, notre façon, hein? Exactement. Ah oui, c'est comme le frère dit. Des fois, il y a des salafs qui ont dit, quand je fais un péché, je ressens l'effet de ce péché-là dans l'attitude et le caractère de ma femme, ou de mon cheval, de la monture, hein, ou de ses enfants. Tu fais un péché, et ce péché-là, l'effet de ce péché se répercute sur l'attitude de ses enfants, de sa femme envers lui, de son entourage, des choses, etc. Même des fois en lui-même. Hein. C'est pour ça, des fois, je disais à des gens, comme s'il y en a qui sont venus ici vivre ici au Canada, ou en Europe, ou ailleurs, et ils s'imaginent peut-être qu'avant de venir, ils ont fait dua à Allah pour leur demander de les faire venir ici. Et une fois arrivés, ils ont dit Alhamdulillah, gloire à Allah qu'on est arrivé ici. Hein. Donc, ils s'imaginent que c'est quelque chose de bien qu'ils font. Et ils demandent à Allah même de les aider à faire quelque chose qui est peut-être mauvais pour eux, mais mauvais pour leur religion. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Mais quand Allah a vu que leur cœur s'éloignait et que leurs yeux et leur cœur sont aveugles à la réalité de qu'est-ce qui se passe. Ils ne voient pas les bienfaits et les méfaits, calculent mal les choses. Ils ne prennent pas en considération la religion et les aspects de la religion et les paroles des ulama et les explications et les preuves du Coran et de la Sunna et tout ça. Ils se sont détournés d'Allah, alors c'est comme si Allah les a laissés se détourner. Et eux, ils s'imaginent qu'ils font le bien. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Dans ce verset-là, est-ce que vous voulez qu'on vous informe des gens les plus grands perdants dans leurs œuvres, dans leurs actions, ceux qui ont égaré ou qui se sont égarés dans leurs efforts dans cette vie? Ils font beaucoup d'efforts pour arriver et réussir dans la dunya, ou faire des bonnes œuvres, ou faire des actions dans la dunya, mais ils ne font pas comme il faut, ou ils ne font pas le correctement, et ils s'imaginaient qu'ils étaient en train de faire le bien. Hein? Donc, ça c'est un exemple. des gens qui s'imaginent faire le bien, qui font beaucoup d'efforts, alors qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font? C'est rien. C'est pour la dunya et c'est peut-être même mauvais pour eux. Ils s'en aperçoivent pas. Bon, il y a ce verset-là, puis il y a d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, comme dans surat Az-Zukhruf, Allah il dit, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Celui qui se détourne, qui s'éloigne du rappel d'Allah, le Coran, la parole d'Allah et tout, نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا, on lui assigne un shaytan et il devient son compagnon, il le suit partout. Il ne lâche pas. Hein? Et ces chiatines-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur bloquent le chemin vers le bien. Mais ces gens-là, ils s'imaginent qu'ils sont en train de faire le bien. Ils ne réalisent pas le mal qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple de l'aveuglement. Des fois, tu deviens aveugle. Et c'est ça que Allah a décrit dans le Coran. En disant كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les péchés qu'ils ont faits ont enveloppé leur cœur d'un genre de voile, d'un genre de rouille. Plus la personne persiste à faire un péché, plus son cœur devient rouillé. C'est comme au début une petite tache. Puis la personne continue, ça fait une autre tâche. Puis elle continue, ça fait une autre tâche. Jusqu'à ce que le cœur devienne complètement rouillé. Et jusqu'à ce qu'il meure. Et lorsqu'il meure, il n'est plus capable de distinguer entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est halal, ce qui est haram. Il voit quelque chose de mal, il le voit bien. Il voit quelque chose de bien, il le voit mal. Ça s'appelle... c'est ça que Allah a décrit comme étant, comme quand il dit qu'Allah bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Leur péché les a aveuglés. Et il y a beaucoup de versets, tu vois, que des gens, des peuples parmi les peuples des kuffars, ils ont refusé d'accepter la vérité que les messagers est venu leur apporter à cause des péchés qu'ils ont faits. Allah il dit ça dans plusieurs versets. Bima kanu yaksibun. Alors, les péchés que tu fais, eh bien, parfois ça peut faire en sorte que tu refuses d'accepter la vérité quand la vérité t'est présentée. Des fois, quelqu'un fait un péché et quelqu'un va venir voir cette personne pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? C'est haram !» Et qu'est-ce qu'il fait la personne? Elle s'emplit d'orgueil du fait qu'elle s'est fait prendre la main dans le sac, où elle s'est fait faire la morale, elle n'accepte pas. Elle sait que c'est haram, elle sait que c'est pas bien, mais du fait qu'elle se le fait dire, ça lui plaît pas. Et donc, elle s'enfle d'orgueil et elle rejette la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Lorsque tu lui dis, crains Allah, eh ben, l'orgueil le prend à cause de son péché. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de nos péchés, craindre le mal qu'on fait, parce que ça peut faire en sorte que notre cœur devienne aveuglé, ça peut nous détourner de la vérité, ça peut nous faire tomber dans l'égarement sans même qu'on s'aperçoive. Donc c'est pour ça que je dis ça dans ce sens-là, pour dire comme le frère m'avait posé la question, c'est pas parce que on a un penchant vers on est faible ou qu'on a un penchant vers un péché quelconque, que ça veut dire que Allah va nous pardonner nécessairement. Ça dépend toujours de notre sincérité, de notre attitude vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis du péché lui-même, donc c'est pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit par exemple, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير c'est-à-dire Allah il nous a fait aimer certaines choses dans cette dunya, Et ça, ça fait partie de la nature humaine. C'est pas mal en soi. Qu'il a fait qu'on aime les femmes, qu'on est attiré envers les femmes, qu'on aime les biens, avoir des belles demeures, des belles maisons, des belles voitures, des belles choses. Ça, c'est naturel. Ça, c'est en l'homme. Il n'y a rien de mal là-dedans. Le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire pour les acquérir. Est-ce que tu vas faire le halal ou le haram? Si tu les acquiers d'une façon halal, alhamdulillah. Si tu les utilises dans le halal, alhamdulillah. Mais si tu fais ce qui est haram pour l'avoir, et tu les utilises d'une façon haram, là ça devient une malédiction pour toi. D'accord? Donc, de pencher vers les biens, d'aimer les choses de la dunya, dans la limite que tu les utilises pour te rapprocher à Allah, ça c'est correct. Mais lorsque ça devient ton but ultime, ton objectif suprême, que tu passes ça au devant d'Allah, au devant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au devant de l'islam, que tu laisses tout derrière ton dos, que tu ne distingues pas entre le halal et le haram, parce que tout ce que tu veux c'est d'atteindre ton désir et ta passion, là ça devient haram, ça devient mauvais pour toi. Donc c'est dans ce sens-là. Et donc le rishwa, toutes ces choses-là, ça c'est des caractéristiques et des choses que les musulmans doivent travailler à éliminer de leur société, à éliminer de leur personne et à changer. En ce qui concerne les taxes, les impôts et tout ça, ça, ça fait pas partie de notre religion. Ça, ça fait partie du système des Romains et des autres koufars qui ont établi cette façon de prendre l'argent injustement de la part des gens. Ça, c'est haram dans l'islam. Ok? Toutefois, si tu dois le payer, t'as pas le choix de le payer. Tu dois respecter les ententes et les paroles, parce que si tu le payes pas, ça va te retomber sur toi. Et tu vas devoir payer en double. Non seulement ça, mais tu risques la prison. Hein? Donc tu veux pas te mettre dans les problèmes. Donc tu le payes pour éviter les problèmes. Mais toutefois, le musulman, il donne le nasiha. Si c'est un musulman qui demande les taxes, et qu'il est capable de donner le nasiha, il donne le nasiha. Il rappelle que ça c'est quelque chose qui est haram. Toutefois, si c'est des koufars et qu'eux ils ont fait ce système, eh ben, il a le choix de s'en aller, d'aller quelque part où on ne demande pas de taxes, si ça existe, hein, pour ne pas payer des taxes. Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais même s'il y en avait, ça ne veut pas dire que c'est halal. Tu comprends? C'est ça. Parce que bon, ça, dans les taxes, dans les impôts, dans les, comment ça s'appelle? Les douanes, hein? Al-Jamarik, des choses comme ça, dans l'islam, on n'a pas le droit de prendre des argent comme ça. Mais si Waliyul Amr al-Muslimin, il demande ça, hein, eh ben, bien entendu, yani, ça c'est quelque chose qui n'est pas permis de leur part, mais yani, comme on dit, ad-din al-Nasiha. On donne la siha, puis on n'utilise pas ça comme un prétexte pour faire le khourouj et d'appeler les gens à se révolter contre le hakim et des trucs comme ça. Parce que ça, comme on sait, c'est contraire aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdulillah. Après, le cheikh dit, wa awfu al-kayla wal-mizan bil-qist, ay-ya'ni bil-adl. Fal-qist, ma'nahu al-adl. بأن تزن بالميزان العادل وتكيل بالمكيال العادل الذي لا يظلم البائع ولا يظلم المشتري. C'est-à-dire d'être juste et de respecter la bonne mesure et de bien peser les choses comme il faut en toute justice. Et la justice, c'est-à-dire que tu vérifies de bien balancer ta balance pour qu'elle soit vraiment bien équilibré pour pas que tu charges aux gens plus que la valeur que qu'est-ce que tu leur vends. Donc de vérifier la balance et de vérifier la chose avec laquelle tu mesures pour que les quantités soient correctes et égales, comme on a dit tout à l'heure. Il dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني لو حصل أن الإنسان اجتهد في أن يوفى أن يوفي الحق وأن يوفي الكيل ولكن حصل نقص يسير لم يتعمده فهذا لا يؤاخذه الله عليه لا نكلف نفسا إلا وسعها أنت اعدل بقدر ما تستطيع فإذا حصل شيء لا تستطيعه ولا تعلم عنه فإنك لا تؤاخذ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وإنما الكلام في الإنسان الذي يتعمد الخديعة ويتعمد البخس ويتعمد النقص لأن العدل تماما لا أحد يستطيع لا أحد يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى الإنسان يعجز ولكن الله يعفو عما لا يستطيعه الإنسان لا نكلف نفسا إلا وسعها La question de Omar tout à l'heure. Le chef il dit quoi? Il dit que Allah ne met pas sur une âme une charge qu'il ne peut pas supporter ou qu'il ne peut pas porter ou prendre. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste envers nous. Et si quelque chose est trop lourd, trop difficile pour quelqu'un qui n'est pas capable de le faire, Allah lui pardonne. Et donc le cheikh il dit que si quelqu'un fait l'effort d'être juste et d'être honnête dans la balance et de mesurer les choses comme il faut et d'être juste envers les gens, toutefois il y a un manquement ou une erreur ou quelque chose de négligeable, mais il n'a pas fait exprès, Allah ne va pas le punir pour ça. Il ne va pas le punir pour ça parce que Allah ne met pas sur une personne une charge qu'il n'est pas capable de porter. Donc toi, tu fais ton possible pour être juste selon ta capacité. Mais s'il y arrive une petite injustice, eh ben dans ce cas-là, tu ne vas pas être puni parce que tu ne le savais pas et tu n'as pas fait exprès. Dans des cas comme ça, t'es excusé. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne met pas sur une personne une charge qu'il ne peut pas porter. Comme par exemple, le chef il dit que là, quand on parle de des gens qui trompent ou qui trichent ou qui trahissent dans la balance, on parle uniquement des gens qui le font de façon préméditée et malhonnête. Hein? Oui, des gens qui font exprès, qui calculent ça, qui disent bon, je veux dérégler ma balance pour faire un profit, par exemple de 10 sous pour chaque sac de marchandises. Donc, il calcule et dit par exemple, bon, je vais dérégler la balance un peu, comme ça, à chaque sac, j'enlève une quantité et ça va équivaloir comme 10 sous par sac. Et donc, au total, je vais faire un profit de, par exemple, $100 par jour. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui fait ça intentionnellement. Hein? Donc, ça c'est malhonnête, et ça c'est cette personne-là qui sera punie par Allah. Toutefois, quelqu'un qui fait son possible, il a essayé d'être juste et d'être honnête, il a réglé sa balance le plus possible, mais il y a une petite écart ou une petite affaire qui est un petit peu, qui manque ou quelque chose comme ça, si c'est juste un peu, ça ne dérange pas. D'accord? Donc, ça c'est différent. C'est pas comme celui qui fait exprès, qui calcule et qui s'arrange pour tromper les gens d'une façon malhonnête, puis préméditée, ça c'est, dans ce cas-là, c'est une personne qui mérite un châtiment de la part d'Allah. Parce que le cheikh il dit que la justice totale et absolue, aucun être humain n'est capable de la respecter. C'est-à-dire, aucun homme n'est capable d'être parfaitement juste à 100%. Ça c'est uniquement Allah qui est capable d'être juste comme ça. Mais nous les êtres humains, même si on essaie d'être le plus juste qu'on peut être, on n'arrivera jamais. Parce qu'on est limité de beaucoup de façons. Et pour être 100% juste dans tout et avec tout, eh bien il faudrait avoir la perfection et être capable de contrôler tout. Et savoir tout, et on ne peut pas. C'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala qui a les moyens d'être parfait de cette façon-là et d'être juste de cette façon-là. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala le seul qui est absolument juste c'est pour ça qu'au jugement dernier, on aura la justice absolue. Hein? Alhamdulillah, donc c'est pour ça. Même dans la justice entre les femmes, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا وَلَوْ حَرَصْتُمْ. C'est ça? أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ. C'est ça? Vous n'allez pas être capable d'être juste envers les femmes, hein, même si vous essayez ardemment d'arriver à la justice entre elles. Donc, c'est pour dire que l'être humain, il ne sera jamais capable d'être parfaitement juste. Mais il faut, quand c'est une personne qui fait les efforts et qui prend les moyens nécessaires et qui fait son possible, hein, pour être juste, s'il lui arrive un petit manquement ou des choses comme ça, il sera excusé. Parce que Allah dit là, yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Puis en passant, ce verset-là, c'est pas une preuve pour ceux qui veulent interdire la polygamie. Hein. Parce que, ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a qui utilisent ce verset-là dans Surat An-Nisa, c'est ça de dire, ça c'est une preuve que la polygamie est interdite. Comme si Allah il l'a permis dans un verset, puis l'a interdit dans un autre. Ça c'est une contradiction. Hein. Et ce verset-là, il n'est pas même sourd. C'est-à-dire, le verset qui permet la polygamie, il n'est pas abrogé. Il est valable toujours. Les sahaba, ils l'ont fait après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est toujours applicable et accepté. Et c'est ça. Juste après, il dit Allah, il dit, فَلَا تَمِيلُ كُلَّ الْمَيْلِ. Ok. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةَ. Bon, c'est ça. Ne penchez pas complètement vers une d'entre elles, si vous avez plusieurs femmes. Ne penchez pas juste vers une d'entre elles, puis vous laissez l'autre comme si elle est accrochée dans les airs. Et vous lui donnez pas qu'est-ce qu'elle mérite. Et vous lui donnez pas son droit, hein, parce que vous êtes plus attiré ou que vous aimez plus une par rapport aux autres. Donc, dans ce verset-là, وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Juste après, Allah dit, et si vous essayez de faire le bien et de craindre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il est pardonneur et miséricordieux. Donc, ça veut dire, tu fais l'effort pour être correct, pour être juste, hein, et tu crées Allah subhanahu wa ta'ala, mais il arrive une petite faute ou un manquement de ta part, moi il est pardonneur et miséricordieux. Hein. Mais, c'est-à-dire, tu vas pas être juste à 100%. C'est sûr que parmi tes femmes, il y en aura une qui va te plaire plus que les autres, qui va être plus jolie ou que tu vas l'aimer plus, hein, que tu vas avoir plus d'attirance pour une que les autres. Sauf que, fais pas en sorte que cette attirance-là pour une d'entre elles t'amène à être injuste envers l'autre et à la laisser accrocher comme ça. Tu la veux pas, mais tu veux pas la divorcer, comme certains qui font. Tu veux pas la divorcer, puis tu veux pas être avec elle et lui donner ses droits. Donc tu la laisses accrocher comme ça. Donc ça, c'est ce que Allah nous a interdit de faire, d'accord? Mais il faut être juste envers elle le plus possible. Donc ça c'est une note en passant. Après le cheikh il dit وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ لَمَّا أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ أَمَرَ بِالْوَفَاءِ بِالْكَلَامِ أَيْضًا إِذَا تَكَلَّمْتَ فِي شَخْصٍ فَعَلَيْكَ بِالْعَدْلِ لَا تَمْدَحُهُ بِشَيْءٍ مَا هُوَ فِيهِ وَلَا تَذُمُّهُ بِشَيْءٍ مَا هُوَ فِيهِ بل إلزم العدل قل ما تعلم فيه من الصفات لا تمدحه مدحا لا يستحقه ولا تذمه ذما لا يستحقه وإذا كنت لا تعرفه فقل لا أدري لا أعرفه لا تدخل نفسك في شيء لا تعرفه. الشيخ maintenant il commence à expliquer une autre partie du verset qui explique maintenant un autre commandement parmi les règles de l'islam. Et lorsque vous parlez, faites preuve de justice, même si ça concerne quelqu'un de vos proches, hein, même si ça concerne quelqu'un de vos proches, quand vous témoignez, quand vous faites un commentaire ou un jugement, jugez avec toute justice et dites la vérité. Hein. Et donc le cheikh il nous demande, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir demandé d'être juste et de bien donner aux gens la bonne mesure et le bon poids, alors il nous demande par la suite d'être honnête dans nos paroles et de respecter notre parole. C'est-à-dire, lorsque tu parles à propos d'une personne, eh bien, sois juste dans ta façon de parler de cette personne. Ne la glorifie pas pour quelque chose qu'elle ne possède pas, et ne la blâme pas pour quelque chose qu'elle ne possède pas également. Eh bien, tu vas la glorifier ou parler en bien d'elle, tu vas dire des choses à son sujet alors qu'elle n'a pas ces qualités-là. Et tu vas la critiquer, tu vas dire des choses d'elle mauvaises, alors qu'elle n'a pas ces défauts-là en elle. Donc, le cheikh, il dit ce que tu sais, des caractéristiques qu'elle possède, et ne lui donne pas une glorification qu'elle ne mérite pas, mais non plus ne le blâme pas pour quelque chose qu'elle ne mérite pas aussi. Et si tu ne sais pas à propos de la personne, tu sais pas rien à propos de la personne, dis « je ne sais rien ». Si tu sais qu'elle a du mal en elle, cette personne, et on te demande par exemple de témoigner, tu sais qu'elle a certains défauts, on te demande de témoigner à son sujet, dis ce que tu sais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un vient, le frère d'une femme, il vient te voir, il dit, bon, un tel homme m'a demandé ma sœur en mariage. Est-ce que tu me conseilles de donner à cet homme ma sœur? Il y a un hadith là-dessus. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un vient te dire, est-ce que tu me conseilles de donner ma sœur à cet homme? Toi, tu sais que cet homme est un menteur, que c'est un homme qui vole, ou que c'est un tricheur, hein. Alors, toi, tu dis, ah oui, c'est un bon musulman, il est correct, très bien. Ou tu sais que le gars, en question, il ne prie pas, hein, il se drogue, en cachette. Oui, c'est ça. Oui. Oui, je vais le mentionner, Inch'Allah. Tu vois, quelqu'un qui vient, subhanallah, tu vas lui cacher ça. Tu vas dire, ah oui, il est correct, c'est un bon gars, il est honnête. Il y a des gens qui jugent juste une personne par la dunya. Il a un bon job, il a une belle voiture, belle maison, il est correct, marie-lui, donne-lui à ta soeur. Mais il ne prie pas, il prend de la drogue, hein, il fume en cachette, il rencontre des femmes à gauche, à droite. Hein. Ça, c'est un bon gars. A'udhu billah. Donc, c'est ça le problème, des fois, les gens. Hein? Si c'est ça les bons gars, les mauvais gars, c'est quoi? Hein? Ceux qui prient, qui respectent les règles d'Allah. Des fois, les gens, ils renversent les choses à l'envers. Quand quelqu'un est religieux ou qu'il essaie de pratiquer l'islam, il ne voit que ses défauts. Mais quand quelqu'un est égaré, il ne voit que ses qualités. C'est le monde à l'envers. Parce que quand tu es religieux, tu te dis, ah, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il faut que tu sois parfait, 100%. Mais quand tu es dans l'égarement total, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand il critique les pays musulmans, il ne critique que l'Arabie Saoudite, parce que c'est celui qui applique, soi-disant, l'islam le plus strictement. Tandis que les autres pays où tout est accepté, tout est permis, que les gens sont vraiment loin là. Là, ceux-là, on ne les critique même pas sur le plan religieux. C'est-à-dire, tout est permis pour eux. C'est la balance des gens. Aujourd'hui, tout est à l'envers. Donc, tu sais, toi, quelque chose au sujet d'une personne, ne cache pas le témoignage que tu sais à propos de cette personne-là. Si tu caches le témoignage, tu sais dans quel problème, dans quel ennui tu mets cette famille par la suite. Tu risques de les mettre dans des graves problèmes. Elle va se marier avec ce gars-là, et après, il va avoir des enfants avec elle. Ça risque d'amener à des problèmes, soit des divorces, ou soit que cette femme, elle va s'égarer à cause de cet homme, et ses enfants aussi. Et donc, les conséquences et les répercussions du fait que tu caches à ces gens-là la vérité, c'est de ta faute par la suite. Hein? Et il y en a qui pensent que de dire la vérité au sujet d'une personne dans des situations pareilles, que ça fait partie de Al-Ghaiba, que tu parles dans le dos. Alors qu'au contraire, même, c'est obligatoire de dire qu'est-ce que tu sais de cette personne. Ça n'a rien à voir avec Al-Ghaiba. Des cas comme ça, c'est obligatoire de dire aux gens qu'est-ce que tu sais. Si si on te demande dans des témoignages ou des choses de ce genre. C'est pas quelque chose qui fait partie de parler dans le dos de quelqu'un. Il y a des gens qui s'imaginent ça. Hein? Mais en fait, dans des cas comme ça, si tu caches ce que tu sais de la personne, c'est toi qui fais un péché. C'est à toi qu'on va te demander un jugement dernier, et non pas à la, au sujet de la personne qui a dévoilé des choses au sujet de cette personne. Ça, c'est dans une question de mariage, comme le frère il a dit, il y a un hadith à ce sujet-là, qu'il y a une femme qui est venue demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de deux compagnons hein, qui l'ont demandé en mariage. Un d'entre eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas commencé à énumérer toutes les qualités de ces personnes. On dit, ah, il est juste, il est honnête, il est bon, il est gentil, il fait ses 5 prières par jour, il fait le ramadan, il prie, il hafiz le Coran. Non. Et il a dit, celui-là, il bat ses femmes. Et l'autre, il a pas un sou, il est pauvre. Deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a révélées des problèmes de ces personnes pour qu'elles puissent faire son choix par la suite. Parce que, c'est pas de connaître les qualités qui va aider cette femme dans son choix, parce que les qualités en général, tout le monde les connaît. C'est pas un secret pour personne. On sait les qualités des gens qui nous côtoient tous les jours. Mais qu'est-ce que tu as besoin de savoir? C'est les défauts des personnes qui sont plus difficiles à connaître pour être capable de faire un choix plus éclairé par la suite. Quelqu'un vient te voir et dit, moi je veux faire une affaire, j'ai envie d'ouvrir un commerce. J'ai envie d'ouvrir un commerce. Et un tel est venu me voir pour me dire qu'il voulait être mon partenaire dans ce commerce. Est-ce que tu me conseilles de faire affaire avec celui-là? Toi tu sais que c'est un gars qui trompe, qui ment, qui triche, qui fait des choses illégales. Et tu le caches. Tu dis, non, il est correct. C'est un bon musulman, c'est un bon gars. Eh ben, tu as mis cette personne-là dans les problèmes. Par la suite, il fait affaire avec lui, il se fait voler, il se fait tromper et tout ça. Après, il revient te voir et dit, mais toi, tu m'avais dit qu'il était bien. Comment ça se fait? Tu m'as caché la vérité. Tu vois? Donc, il faut bien parler. Et non plus la même chose pour le contraire. Quelqu'un qui est bien, il vient te voir, et quelqu'un te demande à propos de quelqu'un qui est bien, et toi tu caches qu'il est bien. Tu dis, ah non, oublie cette personne, il n'est pas correct et tout, alors que tu sais que c'est une bonne personne, par jalousie, ou par, pour d'autres raisons, et ça c'est pas correct. Donc, le chef il dit que tu dois être juste dans tes paroles envers les gens. Ne parle pas, si tu sais rien sur la personne, dis je sais rien. Ça c'est aussi, c'est d'être honnête et juste. Tu sais pas rien de mal, tu sais pas rien de bien, tu sais rien du tout. Tu dis je sais rien, celui-là je peux pas te dire, malheureusement. J'ai aucun commentaire à faire, parce que je sais pas rien au sujet de cette personne, je sais rien. Rentre pas dans l'affaire, alors que tu sais que tu n'as pas de connaissance. Ok? Et après, il donne des exemples encore. Il dit وكذلك من ناحية الشهادة إذا أردت أن تشهد على أحد فلا تشهد إلا بالحق لا تحابي مع أحد وتشهد له لأنه قريبك ولأنه صديق لك وتشهد له بالباطل أو تكتم الشهادة عن أحد لأنه عدو لك قل الحق ولو على نفسك يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولا يجرمنكم شنآن قوم إلى آخره. Donc le chef il dit, quand tu fais un témoignage, ok, et que tu veux témoigner au sujet d'une personne, ne témoigne que par la vérité et qu'en vérité. N'essaie pas de faire un témoignage en faveur d'une personne pour que cette personne la t'aime. et pour que cette personne-là t'apprécie et qu'il se rapproche de toi, hein, ou bien des fois tu vois ça souvent ici, quelqu'un il voit une jolie femme et elle fait quelque chose de pas correct, mais parce qu'il veut se rapprocher d'elle, il cache le mal qu'elle a fait pour qu'elle soit, qu'elle ait des attentions envers lui. Ça c'est un exemple. Donc si c'est quelqu'un, c'est ton proche, ton frère, ton père, ton ami, tu sais qu'il a fait quelque chose de mal, mais quand on te demande de témoigner, tu le caches parce que c'est ton proche. Tu dis pas aux gens la vérité. Hein? Et si c'est ton ennemi, et on te demande de témoigner contre lui, et tu sais qu'il a rien de mal, mais tu mens parce que c'est ton ennemi, tu caches le témoignage. Ça aussi c'est haram. Donc, tu dois dire la vérité, même si ça revient, les conséquences de ça vont revenir contre toi-même. Quand tu vas témoigner en vérité, ça va avoir des conséquences négatives pour toi, témoigne en vérité quand même. Parce que peu importe, tu sais que si tu dis la vérité, Allah va te récompenser et que les conséquences vont être bonnes pour toi, même si à court terme ça peut te sembler mauvais. Même si à court terme tu penses que ça va revenir contre toi, mais sache qu'à long terme, celui qui dit la vérité n'est jamais perdant. Hein? Tandis que celui qui ment, même s'il réussit à s'en sortir d'un petit problème, là, eh bien, à long terme, tu sais jamais qu'est-ce que ça peut avoir et que ça reviendra contre toi. Hein? Et celui qui ment ou qui cache la vérité, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il est toujours en train de se faufiler et essayer de se rappeler de ses mensonges pour pas tomber dans des fautes et des erreurs. Tandis que celui qui dit la vérité, il reste toujours ferme et droit, il n'a pas peur. Hein? Donc, le Cheikh il mentionne un verset qui est très puissant en fait, c'est le verset 135 dans Surat al-Nisa, et ça c'est un des versets, il y en a qui parlent justement de ce sujet-là. « Oh, vous qui avez cru, soyez qawwamina bil-qisti, hein, soyez des gens qui sont fermement établis dans la justice. Shuhada ulillah, vous êtes témoins pour Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc vous devez témoigner honnêtement parce que vous faites le témoignage pour Allah. Walaw ala anfusikum, même si c'est contre vous, même si c'est contre toi-même, ou bien contre tes parents, ton père et ta mère, ou contre tes proches, ton oncle, ta tante, tes frères, tes sœurs, hein. Même si c'est contre un riche ou un pauvre, tu dis ah ça c'est un pauvre, c'est pas grave, si je cache le témoignage, je ne vais pas avoir de répercussions parce qu'il est pauvre, il ne peut pas se défendre. Et si c'est un riche, tu témoignes en sa faveur parce que tu dis, ah lui c'est un riche, si je cache pas la vérité contre lui, eh ben il va revenir contre moi par la suite et je vais être puni. Non, regarde pas la richesse ou la pauvreté ou la position, non. Parce que Allah il dit, fallahu awla bihima. Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe, il a plus de droits que ces gens-là, peu importe leur position ou leur statut, Allah mérite plus d'être craint. Et ne suivez pas vos passions, hein, et ne laissez pas vos passions vous faire vous écarter de la justice. Hein. Après, il y a un autre verset, wa in talwu wa tu'ridu. Allah, il n'est plus connaissable de leur intérêt que vous. Et ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice si vous portez un faux témoignage, c'est-à-dire c'est intalwo, c'est-à-dire si vous portez un faux témoignage. Auto-arido, ou si vous refusez, hein, ou si vous le refusez, hein, vous refusez un témoignage qui est vrai, hein, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Fallahu awla bihima, Allah a priorité sur eux deux. C'est-à-dire Allah a priorité sur le riche et sur le pauvre, et ils disent en parenthèse, et il est plus connaisseur de leur intérêt que vous. Ok. Puis ensuite, il mentionne un autre verset qui dit, oh, les croyants, hein, attends une minute, on va juste vérifier quelque chose. Ouais, c'est ça. Observez strictement la justice. كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ C'est-à-dire, oh les croyants, observez strictement. Mais encore, le verset en arabe c'est encore plus fort que ça. C'est pas juste observer strictement, c'est beaucoup plus fort encore. Soyez des témoins en toute justice, et le fait que tu détestes des gens, que tu as une haine contre des gens, ben fais pas en sorte que cette haine t'amène à être injuste envers ces gens-là. T'aveugle et te pousse à être injuste, malgré que tu sais qu'ils ont raison, tu vois. Mais soyez juste, car la justice est plus près de la piété. فإن يعدلوا هو أقرب للتقوى لا جستيس سي بلو بروش دو التقوى إذنك الشيخ يقول ولا يجرمنكم شنآن يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا فيهم أو أن تتكلموا فيهم بغير حق حتى ولو كانوا كفارا ولو كانوا أعداء قولوا فيهم الحق فالعدل مطلوب قامت به السماوات والأرض العدل مطلوب مع العدو ومع الصديق ومع القريب ومع البعيد ومع كل أحد لا يجوز للإنسان أن يتبع الهوى وشهوات النفس ويتكلم على حسب رغبته أو يكتم الشهادة على حسب رغبته. Le cheikh, il dit un principe ici, vraiment, c'est, comme il dit, c'est là-dessus que les cieux et la terre sont établis. C'est quoi? C'est que tu dois être juste, et tu ne dois pas laisser la haine que tu as envers un peuple t'empêcher d'être juste envers eux. Et le cheikh, il dit que ça ne doit pas t'amener à parler ou à dire autre que la vérité à leur sujet, même si ce sont des koufars. Même si ce sont des koufars, tu dois dire la vérité et être juste. Hein? Pas parce que ce sont des koufars, tu dis, ah, c'est des koufars, je vais être malhonnête ou injuste envers eux et je vais mentir ou cacher la vérité à leur sujet. Non. Sois juste. Même si ce sont tes ennemis, dis la vérité à leur sujet. Et, il dit que c'est ça ce qui est demandé, la justice. Et c'est là-dessus qui est basé, les cieux et la terre sont basés sur ça, sur la justice. Donc, il faut être juste envers ton ennemi, et avec ton ami, avec ton proche, ou avec celui qui est éloigné de toi, peu importe la relation que tu as envers cette personne, tu dois être juste et véridique, hein, avec tout le monde. Et ce n'est pas permis à une personne de suivre ses passions et ses désirs personnels, ou les passions de son âme, pour parler des gens selon ses désirs et qu'est-ce qu'il souhaite ou qu'est-ce qu'il veut, ou de cacher le témoignage selon ses désirs, selon ses intérêts. D'accord? Donc, ça c'est un principe très important de l'islam, et les koufars, même au temps des sahaba et après, ils savaient que ça fait partie des caractéristiques des musulmans. Quand on demandait au sujet des musulmans, quand les musulmans arrivaient dans le djihad, pour appeler les peuples à l'islam, il leur disait, acceptez l'islam, sinon vous payez la jizya, ou bien sinon on va vous combattre. Les gens de ces peuples-là, ils demandaient, est-ce que ce sont des gens qui respectent leurs ententes? Est-ce que ce sont des gens qui respectent leurs paroles lorsqu'ils donnent un pacte ou un serment ou un contrat ou une entente? Est-ce qu'ils respectent leurs paroles? Ils disent oui. Ce sont des gens honnêtes, ce sont des gens qui respectent leurs paroles. Quand ils prennent un pacte ou une entente avec toi, ils respectent leurs ententes et leurs contrats. Donc à cause de ça, les musulmans ont été connus pour leur honnêteté à travers le monde. Mais aujourd'hui, comme on dit, des fois c'est plus toujours comme ça malheureusement. Et le cheikh il dit « Wa iza qultum fa'dilou » قلتم بالتزكية قلتم في الشهادة قلتم في التجريح تجريح الرواة أو تعديلهم فاعدلوا ولو كان ذا قربى يعني ولو كان المتكلم فيه قريب لك لا يحملك قرابته والشفق عليه أن تحيد في حقه بل قل فيه الحق واشهد عليه بالحق واشهد بالحق ولو كان لعدوك وخصمك هذا هو العدل الصحيح. Donc le cheikh il dit que tu dois dire la vérité. Si on te demande à propos de quelqu'un de lui donner, tu veux lui donner comme par exemple une recommandation ou dire quelque chose à son sujet, qu'est-ce qu'il y a, hein? Ou bien par exemple dans le hadith, ilm al-hadith, on a des livres qui s'appellent ilm al-rijal. Dans les livres de rijal, c'est-à-dire chaque hadith il a une isnad, une chaîne de narrateurs. Et chacun de ces narrateurs, on trouve sa biographie dans un livre qu'on appelle Asma al-Rijal, les noms des narrateurs. Eh bien, on trouve dans ces livres de narrateurs toujours une description. Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que c'est un menteur? Est-ce que c'est un gars qui n'est pas fiable? Etc. Et tu vois que parmi ces exemples-là, comme le cheikh il dit, si on te demande, par exemple, au sujet de quelqu'un, eh bien, tu dis la vérité, même si c'est un de tes proches. On a vu des exemples de certains narrateurs, lorsqu'on leur a demandé au sujet de leur propre père, est-ce que je peux prendre le hadith de celui-là? Eh bien, le cheikh il a dit, à propos de son propre père, ne prends pas le hadith de lui. Il n'est pas fiable dans le hadith. Alors que c'est son propre père. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le droit de mentir ou de cacher la vérité, parce que c'est quelqu'un de ton, de ta famille, ou que c'est ton proche. Même ton fils, même ton père, même ta mère, ou peu importe qui c'est. Quand c'est le temps de témoigner et de dire la vérité, et en particulier si ça a un rapport avec ad-din, comme par exemple dans l'ilm al-hadith, hein, et ben ça a un lien direct avec la religion. Si tu mens à propos de ça, et ben tu mens à propos d'Allah, et à propos du messager, et donc, tu risques de faire de grands désordres si tu caches la vérité au sujet de ces choses-là. Donc tu dois témoigner en vérité. Et on a vu on voit des exemples de ça dans les livres, comme on dit, des livres de Rijal et d'autres choses. Et si quelqu'un est ton ennemi, eh ben il ne faut pas que ça te pousse à mentir à son sujet. Et après le cheikh il dit, wa bi ahdillahi awfu. Et c'est-à-dire le serment ou le pacte d'Allah subhanahu wa ta'ala ou l'engagement que vous avez envers Allah, et bien vous devez le respecter. وهذا من الوصية العظيمة الوفاء بعهد الله. والوفاء بعهد الله المراد به الوفاء بالمواثيق التي تكون بين العبد وبين ربه والتي تكون بين الناس بعضهم مع بعض. العهد الذي بينك وبين الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله تعاهده أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به. فالعهد الذي بين العبد وبين ربه هو أن يقوم بعبادة الله. والعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت سلطانا أو أميرا أو عاهدت أحدا من الناس فلا تغدر بالعهد الذي بينك وبين الله ولا بالعهد الذي بينك وبين الناس إذا عاهدت وجب عليك الوفاء بالعهد. قال الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. فالغدر بالعهود من صفات المنافقين. Donc le cheikh ici il dit que il faut garder le pacte et l'entente qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et ça fait partie des grands commandements. Et de prendre, de respecter l'entente qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on ne doit adorer que lui. On ne doit adorer que lui seul. Et de ne rien associer avec lui. Comme on dit dans Surat al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul qu'on adore et c'est à toi seul qu'on demande l'aide et le support. Donc on doit respecter l'entente qu'on a envers Allah, notre créateur, et on doit respecter l'entente qu'on a avec les créatures également, si on a fait des ententes, des contrats avec eux, ou des pactes, des engagements. dans ce sens-là, il faut donc respecter toutes les formes d'engagement, et le plus grand de ces engagements-là, c'est l'engagement qu'on a envers Allah subhanahu wa ta'ala, et comme on a dit, c'est d'adorer Allah seul, et ensuite l'entente qu'on a envers, entre nous et les créatures, comme le cheikh il donne exemple ici, si on a un entente avec un dirigeant ou un chef d'État, on lui a donné notre parole, notre obéissance, et donc on doit l'obéir dans le bien, et on n'a pas le droit de le trahir, hein, on n'a pas le droit de le trahir. Tu ne dois pas trahir l'entente que tu as avec Allah, et tu ne dois pas trahir l'entente que tu as avec les hommes. Donc si tu as pris une entente, tu dois respecter cette entente, comme Allah dit dans le verset 91 dans Sourate An-Nahl, hein, et respectez votre entente avec Allah lorsque vous avez pris votre entente, et ne brisez pas ou n'annulez pas votre parole ou votre serment après que vous l'ayez confirmé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les caractéristiques de l'hypocrite sont trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. Et lorsqu'il prend une entente ou un engagement ou un serment ou un contrat, etc., hein, il trahit son serment et son pacte avec les gens. Donc ça, c'est une des caractéristiques, al-radar, c'est une des caractéristiques des hypocrites, al-munafiqoun. Le cheikh dit, bal, idha kana baynana wa bayna al-kuffar ahd, fala yajuz lana an naghdar bihi, bal yajib al-wafa ma al-kuffar al-mu'ahadin. Le cheikh dit que même si notre entente est avec les kuffars, on n'a pas le droit de trahir notre entente avec eux. On n'a pas le droit de trahir l'entente qu'on a avec eux si on a un contrat ou une entente ou un pacte avec eux, ou une trêve ou quelque chose de ce genre. وَإِذَا أَرَادَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يُنْهِي الْمُعَاهَدَ مَعَ الْكُفَّارِ فَلَا يُلْغِيهَا فُجْأَةً بَلْ يُعْطِيهَا مَهْلَةً إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً وَإِمَّا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Le chef dit quoi? Il dit si le dirigeant des musulmans, il veut terminer l'entente qu'il a ou le pacte ou la trêve qu'il a avec les kuffars, il n'a pas le droit de l'annuler subitement par surprise, comme s'il dit du jour au lendemain, ok, le contrat est fini, je l'annule, et il attaque. Il ne peut pas faire ça. S'il annule son contrat ou son pacte ou sa trêve qu'il a pris avec eux, il doit leur donner un délai, oui. Donc, ça y est, on annule notre pacte et on vous donne un répit de, par exemple, 4 mois ou quelque chose de ce genre, maintenant vous allez vous préparer, vous allez savoir que on a annulé notre entente avec vous. Comme ça, on donne à ces gens-là une période pour qu'ils puissent être prêts. Hein? C'est pas comme les gens aujourd'hui, les pays musulmans ils ont une entente les uns avec les pays non musulmans, et ces gens-là, comme les Khawarij aujourd'hui, ils attaquent les kuffars sans même leur dire à l'avance qu'ils les attaquent, et eux ils n'ont aucune autorité pour faire ce qu'ils font, ils mettent des bombes par-ci par-là, hein, et donc ils s'imaginent qu'en faisant ça ils font le djihad. Où est-ce qu'il est le djihad dans ça? Allah nous ordonne de respecter nos ententes et nos contrats, hein, et le prophète, comme le cheikh il nous dit ici, il dit quand le dirigeant il a une entente avec les kuffars, même s'il décide d'annuler ce contrat-là ou cette entente-là, ou ce pacte, il doit leur dire à l'avance qu'il le fait. Il n'a pas le droit de les attaquer subitement comme ça du jour au lendemain pour dire ça y est c'est fini, on vous attaque par surprise. Non, tu dois leur dire à l'avance pour qu'ils soient prêts. Hein? Donc on voit que maintenant les gens ils n'ont pas compris cette caractéristique de l'islam qui est le respect des pactes et des ententes et de notre parole. Hein? Et ils donnent une preuve en disant « wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa ». Inna Allah la yuhibbul kha'inin. C'est le verset 57 dans Surat Al-Anfal. 58. Et si jamais tu crées vraiment une trahison de leur part d'un peuple, de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale. Car Allah n'aime pas les traîtres. C'est-à-dire, quand tu vas briser ton contrat avec eux parce que tu crains, par exemple, qu'il y ait une trahison de leur part, eh ben, ne le fais pas comme un traître. Tu brises ton entente par surprise puis tu les attaques comme ça sans les avertir. Non. Tu brises ton entente avec eux, mais tu leur annonces, tu le déclares, tu leur dis ouvertement pour qu'ils aient un délai, qu'ils soient préparés, pas comme un traître. Hein? Le musulman c'est pas un lâche, le musulman c'est pas un traître. Non. Donc on va terminer, inshallah. Le cheikh dit wa mubay'atu sultan ahdun yajibu ala ra'iyya an yafu bihi wa an la yaghdiru bihi wa an la ya'su waliy al-amr wa idha amara bi ma'siyatin fa innahu la yuta'u fi al-ma'siyah ولكن يطاع في الأمور الأخرى التي ليست بمعصية هذا من العهد الذي بينك وبين ولي الأمر. Le Cheikh dit, si tu as donné ton allégeance à un dirigeant, il est obligatoire pour les gens qui sont parmi le peuple d'obéir et de respecter l'entente et le pacte ou l'allégeance qu'ils ont pris avec ce dirigeant-là et de ne pas trahir l'allégeance qu'ils ont pris avec ce dirigeant. Et de ne pas désobéir au dirigeant. Et si le dirigeant commande aux gens de faire un péché, on n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché. Mais dans les autres affaires qu'il nous commande de faire en dehors du péché, hein, autre que le péché, on doit respecter l'entente et l'allégeance qu'on a entre eux, avec eux, qu'il y a entre eux et nous. وكذلك العهد الذي بينك وبين الناس والعهد الذي بين دولتك ودولة أخرى كل هذا من العهد الذي أمر الله به بالوفاء به ولا يستهان به أبدا فالعهود أمرها عظيم ولذلك أضافها الله إليه قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وقال تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وهنا يقول وبعهد الله أوفوا أضاف العهد إليه ليدل على عظمته ثم يقول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون لعل للتعليمية أي لأجل أن تتذكروا ما عليكم من الحقوق والواجبات فتقوموا به خير قيام. Okay. On va terminer aujourd'hui avec cette partie-là. Le Cheikh il dit quoi? Pour terminer, il dit que on doit donc respecter les pactes et les ententes qu'on a entre nous et les gens, et le pacte qu'il y a entre notre pays et les autres pays, que ce soit des pays musulmans ou des pays non musulmans. Si notre pays a une entente avec un autre pays, il faut le respecter. Il faut être honnête, il faut être juste. Et tout ça, ça fait partie des ententes et des pactes qu'Allah nous a ordonné de respecter. Et qu'on n'a pas le droit de dénigrer ou de rabaisser ou de négliger. Et Allah, il a comme si la question des pactes, des ententes et des serments, c'est une question très très très sérieuse, très très importante, très grave. Il faut lui donner une importance et un respect incroyable, parce qu'Allah, il l'a associé. C'est-à-dire, il l'a relié à lui-même quand il a parlé des contrats. Il a parlé de son contrat. Il a dit wa awfu bi'ahdillah, c'est-à-dire le pacte ou le serment ou l'entente que vous avez avec Allah, et vous devez le respecter. Et les pactes et les ententes, alaykoum salam wa rahmatullah, les pactes et les ententes que vous avez, et donc vous allez être questionné pour ces ententes-là au jugement dernier, et pour les contrats et pour toutes ces choses-là, on va vous demander, ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud, les contrats aussi, hein, les serments, les pactes et toutes ces choses-là, vous allez être questionné par Allah si vous les avez pas respectés. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il a associé al-ahd à sa personne, ça montre l'importance que ça a dans l'islam. Et pour terminer, dans le verset 152, Allah dit, voici les commandements qu'on vous a donnés pour que vous puissiez vous souvenir, et donc, c'est-à-dire pour que vous puissiez vous souvenir les droits et les obligations que vous avez pour pouvoir les respecter comme comme vous êtes supposé de le faire de la meilleure façon. Donc aujourd'hui, on a parlé de plusieurs points, plusieurs sujets importants pour nous rappeler l'importance que ces choses-là ont, et on voit donc que la question du tawhid, c'est relié à beaucoup de choses. C'est relié à l'islam en entier. Hein? C'est comme si l'islam, le tawhid, c'est le cœur de la religion, et ça relie tous les autres aspects de la religion en entier. C'est la base de l'islam, c'est la fondation de l'islam. S'il n'y a pas de tawhid, il n'y a pas de religion. C'est comme, hier, il y a une femme qui m'a téléphoné pour me poser une question. Elle voulait qu'un Québécois se convertisse à l'islam pour pouvoir se marier avec lui. Et elle me dit, il a cessé de manger du porc et il ne boit pas d'alcool. Donc c'est déjà un début. Moi je lui ai dit, mais c'est pas ça l'islam. Il y a des juifs, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes, il y a des hindous qui mangent pas de viande, qui mangent pas de porc, qui boivent pas d'alcool, par choix. Ils décident de pas en boire, pas parce qu'ils croient en Allah, pas parce qu'ils ont compris le tawhid, pas parce qu'ils ont cru au Coran, pas parce qu'ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, de s'abstenir de ça, c'est sûr que ça fait partie de l'islam, sauf qu'il faut le faire pour les bonnes raisons, et aussi il faut avoir l'iman qui vient avec. Si l'iman, le tawhid, qui sont la base de l'islam, ne sont pas présents, tout le reste des actions qu'on peut faire n'a aucune importance et aucune valeur aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit toujours, même si quelqu'un il ne vole pas, il ne ment pas, il ne tue pas, il est toujours honnête et véridique, il mange pas de porc, il mange rien de ce qui est haram, il boit pas d'alcool, et il fait tout ce qu'il doit faire, il prie 5 fois par jour, il fait le jeûne, il fait le hajj, et il respecte tout ce qu'il doit faire, mais il n'a pas appliqué le tawhid, c'est-à-dire il a commis des actes de shirk, comme il a prié à autre que Allah, ou il a mis sa confiance en autre que Allah, où il a des choses de ce genre, tout ça n'a aucune valeur au jugement dernier. C'est comme de la poussière éparpillée par le vent. Il n'aura aucune récompense pour toutes les actions qu'il a faites. Hein? Parce que la base de cette religion, c'est le tawhid. Sans le tawhid, il n'y a rien. Et même si tu as tout le reste, hein? C'est comme une maison sans fondation. Elle ne peut pas tenir. Ok, le tawhid, on a expliqué, le tawhid, c'est, des fois c'est traduit par le mot monothéisme, c'est-à-dire monothéisme, de croire en un Dieu unique. Toutefois, ce n'est pas un terme qui explique réellement la signification, la vraie signification de qu'est-ce que c'est le tawhid. Parce que le monothéisme, quand on le dit comme ça, eh ben, pourquoi ça explique pas réellement qu'est-ce que c'est le tawhid? C'est parce qu'il y a beaucoup de religions qui se prétendent, qui se disent aussi monothéistes, alors que pour nous les musulmans, ils sont considérés comme des mouchriquins. Ils sont considérés comme des idolâtres. Même s'ils se disent monothéistes, comme les juifs, par exemple, ou les chrétiens, qui se disent être des religions monothéistes, alors qu'ils font toutes sortes de formes de shirk. Les hindous aussi. Les sikhs, n'importe quelle religion qui se dit, qui croit en un Dieu unique, mais quand tu vois quand ils adorent autre qu'Allah. Quand ils prient à Jésus, à Marie, ils prient aux croix, ils prient aux saints, et, ou bien, ceux qui, même des gens qui se disent musulmans, qui disent qu'ils sont monothéistes, et quand ils ont un malheur, Ya Sidi, Abdul Qadir, Ya Sidi, Moussa Ali, Ya Abdul Qadir Jilani, hein. Ouais, donc si quelqu'un il dit ça, il fait ça, il se dit musulman, alors que c'est un mouchrik, hein. Le meilleur terme pour traduire tawhid, c'est l'unicité. De croire que Dieu est unique dans ses noms, et ses attributs, dans sa souveraineté et dans l'adoration, dans tous ces aspects-là. Hein? Exactement. C'est dans le malheur qu'on peut distinguer le vrai musulman, dans les réactions qu'il va avoir vis-à-vis les problèmes de la vie. Là, on va voir quand est-ce que, comment il met en application cette croyance qu'il a dans son cœur. Parce que quand tout va bien, tout le monde est correct, tout le monde peut dire oui, je suis un mu'min. Mais lorsqu'un malheur tombe sur toi, ta réaction à ce malheur-là, ça va faire sortir réellement ce qu'il y a au fond de ton cœur. C'est pour ça. C'est pas en général, c'est uniquement dans des situations et dans des situations, c'est-à-dire, on doit chercher, c'est pas qu'on doit pas chercher les qualités d'une personne, mais dans certaines situations, dans certains cas où on nous demande de témoigner d'une personne, ben, il faut pas cacher les défauts qu'on connaît de cette personne-là. C'est-à-dire, il faut les dire parce que c'est ces choses-là qui vont nous protéger. Même si par exemple, tu veux apprendre la religion d'un certain imam ou d'un cheikh, et tu sais qu'il a des bonnes qualités. Il est hafiz Qur'an, il a étudié des différentes formes de la religion. Toutefois, tu sais qu'il a des bid'ahs et des choses qui sont contraires à la sunna. Alors tu dois dévoiler et avertir la personne qui va aller étudier la religion avec ce savant ou avec cet imam. Tu dois lui l'avertir de certaines erreurs si cet imam-là a des erreurs dans sa croyance ou dans sa façon de suivre l'islam, pour pas que cette personne-là tombe dans l'erreur que ce savant-là possède. Parce que sinon, tu le mets dans l'égarement et dans l'erreur, il va prendre tout. Et s'il n'a pas une bonne connaissance de l'islam, il va écouter ce savant ou cet imam qui parle, et il va pas être capable de distinguer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, et il va tout accepter, et il risque de tomber dans l'erreur et dans les fautes de cet imam ou de ce savant de l'islam. Donc il faut, quand on connaît une erreur, parce que souvent les savants, entre eux, ils se corrigent pour faire paraître la vérité. Hein. Donc si un savant a averti au sujet d'une autre personne, et qu'un savant a dit « prenez garde à celui-là, il a tel ou tel problème dans sa façon de comprendre l'islam », alors dans ce cas-là, si tu sais que cette personne a une erreur, alors c'est de ton devoir d'avertir la personne en question pour qu'il évite d'aller apprendre sa religion de cette personne. Et ça fait partie de al-nasiha, et ça fait partie de al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. D'accord? Et ça rentre dans les cas qu'on a mentionnés comme le mariage, le commerce et d'autres genres de témoignages de cette sorte.